Exercice 3. Radio Musique, bonjour. Pocohem revient avec un nouvel album produit par Richard Dollard. Ce nouveau disque s'appelle La Révolution et il contient 13 chansons. Pocohem prend une nouvelle direction dans le monde de la musique pop. Mais, comme toujours, les paroles des chansons sont mystérieuses. Chacun peut les interpréter comme il veut. Le disque sort le 18 mars et il sera accompagné d'une tournée. La tournée commence le 30 avril en Suisse. Après, Pocohem fera une série de concerts en France et en Belgique. Si vous voulez voir Pocohem en concert, participez à notre grand concours. Appelez le 0 840 404 405. Si vous avez de la chance, vous gagnerez peut-être deux places pour aller voir Pocohem sur scène. Bonne chance!